qui n'est pas facile, tu es toujours présent en moi. Je suis venue te dire que notre amour résonne en moi. De te raisonner, tu n'as pas su le voir, combien j'étais amoureuse. Maintenant que tu sais que moi